بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نخوض السؤال 77 question. سئل الشيخ رحمه الله تعالى: من الذي يستحق أن يوصف بالسيادة؟ Donc qui sont les gens qui méritent d'être décrits comme étant un siyada, on l'expliquait, c'est comme un maître, un chef. Et certains membres l'ont traduit par monsieur. Mais bon. فأجاب رحمه الله تعالى: لا يستحق أحد أن يوصف بالسيادة المطلقة إلا الله عز وجل. فالله تعالى هو السيد الكامل الشدودي. أما غيره فيوصف بالسيادة مقيدة مثل سيد ولد بني آدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc il a dit, personne ne mérite de recevoir ce descriptif de siyada dans l'absolu, si ce n'est Allah Azza wa Jal. Car c'est lui qui a cette siyada qui est complète. Et autre que lui ne sera décrit de la sorte que de façon restreinte, conditionnée. Par exemple, le maître des fils de Adam pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On n'a pas dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam sayyid mubashara mutlaqan dans l'absolu, mais ça a été restreint à quoi? Au fils de Adam. Wa as-siyada qad takunu bin-nasab wa qad takunu bil-ilm wa qad takunu bil-karam wa qad takunu bil-shaja'a wa qad takunu bil-mulk kas-sayyid al-mamluk wa qad takunu bi ghayri dhalika min al-umur allati yakunu biha al-insanu sayyidan. وقد يقال للزوج سيد بالنسبة لزوجته كما في قول الله تعالى والفيا سيدها لدى الباب. Donc il dit maintenant, cette sayyida, c'est une chose qui est relative. Elle peut être attribuée par rapport à la science, par exemple un savant. Sayyid fil ilm. Ou alors le karam, par rapport à la noblesse. Ou par le courage. Ou par, مثلاً, la royauté, comme un roi ou autre. Ou comme un propriétaire d'esclaves. Parmi les choses dans lesquelles l'homme peut être nommé Sayyid. Et voire même par rapport à l'épouse, le mari est un Sayyid. Comme un maître. Comme dans le sens où Allah dit, et ils ont rencontré son maître derrière la porte, Sourate Yusuf, verset 25. Il a dit, wa alfaya sayyidaha, parce que la femme elle doit obéissance à son mari et elle est sous son autorité, donc son mari est un sayyid sur elle. Maintenant ce n'est pas dans l'absolu également, c'est bil ma'ruf, dans ce qui est convenable bien évidemment. Famma sayyid fil nasab fa dhahir an al murad bihi man kana min nasl rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa hum awlad fatima radhiyallahu anha ay dhurriyyatuha min banin wa banat. وكذلك الشريف وربما يراد بالشريف من كان هاشميا. Maintenant, le fait d'être un sayyid par rapport à la généalogie, ce qui apparaît, c'est que ce qui est voulu par là, c'est la descendance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les enfants de Fatima radhiyallahu anha, sa descendance parmi ses filles et ses filles, parmi ses fils et ses filles. وكذلك الشريف, شريف c'est le noble. Souvent, les gens disent Sharif quand ils veulent quelqu'un qui est Hashimi. Hashimi qui est également parmi la descendance du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses proches. وَيَنْ كَانَ الرَّجُلْ أَوْ الْمَرْأَةْ سَيِّدًا أَوْ شَرِيفًا فَإِنَّهُ لَا يَمْتَنِعْ شَرْعًا أَنْ يَتَزَوَّجْ مِنْ غَيْرِ سَيِّدْ وَالشَّرِيفِ فَهَذَا سَيِّدْ بَنِي آدَمْ وَأَشْرَفُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَدْ زَوَّجَ ابْنَتَهُ رُقَيَّةَ وَأُمُّ كُلْثُومٍ عثمان بن عفان وليس هاشميا وزوج ابنته زينب أبا العاص ابن ربيع وليس هاشميا. Donc il a dit, quoi qu'il en soit, qu'il soit un homme ou une femme, qu'il soit un sayyid ou un shérif, cela ne doit pas l'empêcher de se marier avec autre que quelqu'un de son rang. Par exemple, le sayyid des fils d'Adam est le plus noble d'entre eux. Qui est-il? C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a marié sa fille ou ses deux filles, Ruqayya et Umm Kulthum, Othman ibn Affan. Et Othman ibn Affan n'était pas un Hashimi. n'était pas de la maison prophétique. Et également sa fille Zaynab, il a marié Abu al-As ibn Rabi', qui n'était pas un Hashimi, qui n'était pas de la maison prophétique. Naam. Thumma su'ila fi su'al 78. 78e question. An qul ya hajj ou as-sayyid fulan. Fama sihat hadhihi al-kalimat shar'an. Donc le fait de nommer quelqu'un hajj ou sayyid fulan, le maître un tel. فأجاب رحمه الله تعالى قول حاج يعني أدى الحج فلا شيء فيها. Donc le fait de nommer quelqu'un حاج, il n'y a pas de mal en cela. Mais un tambih, c'est qu'aujourd'hui c'est devenu comme une forme d'étiquette. Toute personne qui a fait le hajj, on l'appelle حاج. Et ça, c'est pas connu chez les salafs. Ceux qui ont fait le hajj, il a fait le hajj. Et même cela donne un côté ostentatoire. Comme quelqu'un qui dirait moi je l'ai fait. Même alors, le fait de dire que quelqu'un a fait le hajj, c'est un hajj, le fait qu'il l'a accompli, une chose qui n'est pas, qui ne lui est pas accolée en continu, cela, il n'y a pas de mal. C'est ça que l'auteur veut dire par là. Sûrement, ce qui apparaît. Mais je connais d'autres mashayikhs qui eux disent le fait de nommer tout pèlerin, on dit tout le temps on l'appelle Yahaj, Yahaj, Yahaj, à chaque fois parce qu'il a fait le Hajj, ça, c'est pas une chose qui est connue de la Sunna. Amma as-sayyid fayunzaru in kana sahihan annahu zu siyada fayuqalu huwa sayyid bidun al fala abasa bih. بشرط أن يكون فاسقا ولا كافرا. Maintenant, le fait de nommer quelqu'un Sayyid, on regarde si cela vraiment lui convient. Cela lui revient de droit. Et il faut pas qu'il y ait elle. Comme on dit, le Sayyid. S'il n'y a pas elle, alors il n'y a pas de mal si jamais il mérite cela et qu'il n'est pas un pervers ou un kafir, un mécréant. فإن كان فاسقا أو كافرا فإنه لا يجوز إطلاق اللفظ أو لفظ سيد إلى مضافا إلى قومه. مثل سيد سيد بني فلان أو سيد الشعب الفلاني ونحو ذلك. Par contre, si jamais c'est un pervers ou un mécréant, alors on ne peut pas l'appeler Sayyid si ce n'est en l'attribuant à son peuple. Par exemple, on dit le maître des fils de un tel, par exemple. On dit que c'est un kafir, c'est un homme de rang, pour de vrai. Et bon, on dit par exemple le Sayyid des fils, مثلاً, du bois de la ville de Lyon. Un exemple que je donne. Ou bien qu'en français, ça ne se dit pas. Ils disent pas le terme Sayyid. Ou le maître des gens, مثلاً, de telle vallée, de telle région. Ah, sans quoi on ne dit pas Sayyid comme ça pour un kafir ou un fasiq. C'est pour quelqu'un de noble. Quelqu'un de noble et de droit, hein, et de respectable. Ah, fa ila huna, walhamdulillah.